si vous voulez. Dénoncez la désinfo. Ou chanter. C'est à vous maintenant. À force-le, tout prévenir. Si vous voulez, passez un coup de gueule. C'est à vous maintenant. Putain de bordel, ça fait chier. Si vous voulez, demandez-leur ou posez des questions. C'est à vous maintenant. Quelle heure est-il? Ou tout simplement faire connaître un produit. C'est à vous maintenant. La crème à raser, Frikilax. La crème à raser, Frikilax. La crème à raser, Frikilax. C'est toujours mieux qu'un coup d'épée dans la face. Connectez-vous sur Skype et recherchez le pseudo radio.actif. Vous aurez la possibilité de passer à l'antenne pendant 4 minutes pour faire ce que bon vous semble. Alors à dimanche à 17h heure de Paris ou 11h heure de Québec. Et voilà, bonjour à tous, vous êtes sur Radioactif, donc pour ce deuxième volet de Open Skype. Alors pour nous joindre, donc connectez-vous sur Skype et cherchez le pseudo Radioactif. Vous vous mettez en connecté si vous voulez passer sur l'antenne, sinon si vous voulez pas passer sur l'antenne, vous vous mettez en absent, comme ça, ça m'évite de vous contacter pour rien. Voilà, donc un petit coucou avant de commencer toute l'équipe d'En Direct de Nulle Part, et aussi au caporal John qui nous permet donc de stocker les podcasts sur Tactical FM. Et puis aussi vous pouvez retrouver les podcasts sur archive.org. Voilà, donc nous allons commencer. S'il y en a qui veulent donc déjà intervenir, il n'y a pas de souci. On va donc les prendre tout de suite après un petit peu de musique. Donc vous êtes sur Radioactif. Pour intervenir, connectez-vous sur Skype. Là, on attend déjà des personnes. Intervenez, c'est l'occasion pour vous de vendre votre bas de mer, de passer un coup de gueule, un coup de cœur, peu importe. Moi, j'aurai déjà un premier petit coup de gueule à passer, c'est qu'il fait froid aujourd'hui. Thank you.

Mais je pense que notre ami a des petits soucis. Bonjour, bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Voilà, ben je faisais juste un petit test pour savoir si tout a été bien. Pour moi, tout fonctionne de mon côté apparemment. Voilà, ben je faisais juste un petit test pour savoir si tout a été bien. Pour moi, tout fonctionne de mon côté apparemment. Si vous avez entendu votre propre voix, vous avez correctement configuré Skype. Si vous entendez ce message et non votre propre voix, vous avez probablement un problème de configuration. Vérifiez que votre micro fonctionne, qu'il est correctement configuré ou visitez skype.com pour davantage d'assistance. Merci d'avoir utilisé le service d'appel test de Skype. Au revoir. Voilà, donc vous avez pu suivre un test en direct sur Skype. Si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à utiliser le pseudo echo/sound-test-service qui vous permet de configurer correctement Skype et de pouvoir participer à l'émission. Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Eh bien, mon ami, je pense que tu as un petit souci de micro. Est-il bien raccordé à regarder? Pour l'instant, on t'entend toujours pas. Donc, voilà, je suis désolé. Allô, oui. Oui, allô. Oui, allô. Oui, bonjour, Globil. C'est juste pour savoir si tout marchait bien au niveau, parce que j'ai quelqu'un qui apparemment a des problèmes, des petits soucis de micro. Je voulais savoir si ça n'est pas de éventuellement de la station, mais apparemment tout a l'air de marcher puisque je t'ai entendu. Non, non, y a pas de problème. Bah, j'écoute, hein, j'écoute. Non, tout marche bien. D'accord. D'accord, bah, si vous voulez intervenir sinon, un petit peu plus va. Tard, il n'y a pas de souci. Oui, ça va, ça va. Là, c'est le deuxième volet de l'émission, donc on est en direct hein, sur Radioactive directement. Hein. Ok. Voilà, apparemment, notre ami a un petit souci de micro, puisque pour lui, ça passe pas, et pour moi, ça passe très très bien. Ouais. Non, bah, et bien, plus tard, merci pour. Oui, je pense que. D'accord, voilà, puis si vous voulez intervenir un petit peu plus tard, vous me le dites et puis il n'y a pas de souci, hein. Ok, bah ouais, pourquoi pas. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir avec moi, discuter avec moi aussi, débattre. J'aime pas parler seul, mais ça peut le faire. Oui, tout à fait. Mais cette émission, comme je l'ai dit, elle est prévue pour vraiment dire ce que l'on veut, passer un coup de gueule, des coups de cœur, vendre son grand-père, vendre sa grand-mère, passer des petites annonces. Voilà, on peut vraiment dire ce que l'on veut. C'est un espace réservé aux auditeurs. C'est vraiment la meilleure moyen de faire passer un message. C'est pour s'exprimer, c'est pour intervenir à un ou à plusieurs, comme effectivement la dernière fois où c'était vraiment très très intéressant. Et puis en plus, quand j'ai réécouté l'émission, j'ai vu que vos questions étaient très très pertinentes sur les sujets donc qui étaient sur les syndicats à ce moment-là. Et c'était vraiment très très bien. Donc il faut continuer dans cette voie-là. Ouais, tout à fait. Et puis c'était intéressant. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et au moins les gens ils le savent maintenant. Quoi. Je veux dire, moi je connaissais pas aussi bien que ça les droits du travail, mais vraiment pas. Tout à fait, puis il y a pas mal de choses qui changent effectivement. Sur le droit du travail, c'est vraiment très très compliqué, hein, parce que les lois elles changent tous les jours. Il faut suivre ça de très très près. C'est vraiment un travail de fourmi apparemment que les collègues font au sein de du syndicat actif, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça se voyait. Tout à fait. Et puis j'ai vu que aussi que d'après toutes les actions en justice qu'ils ont fait jusqu'à présent, au niveau prud'homal et justice, hors travail, parce que quand ça passe après au juridique pur, ils ont quasiment du 100% de réussite. Donc c'est vraiment très très intéressant pour les employés qui avaient été lésés à ce moment-là, qui avaient été licenciés à ce moment-là. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ouais, bah ouais, et puis bien souvent les salariés sont laissés livrer eux-mêmes, quoi. Les syndicats. Tout à fait, bah, je vais en profiter. Ils sont mal informés. Je vais en profiter pour passer un petit coucou à tous les collègues de Centre Appel, Protelco, Totalco, le Webhelp, Téléperformance et tous les autres donc sociétés en centre d'appel qui travaillent quasiment 7 heures sur 7. Voilà, donc à tout à l'heure, peut-être que vous ferez un débat avec quelqu'un si quelqu'un a envie de discuter. Il suffit de savoir les sujets sur lesquels vous voulez débattre. Et puis il y aura peut-être des personnes qui voudront éventuellement débattre avec vous. On verra ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Apparemment, vous avez toujours le problème de micro. Voilà, donc on remet un peu de musique. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Une petite nouvelle qui vient de nous tomber sur les emails, anciennement les téléscripteurs, comme on dirait dans la profession. Alors, Sarkozy voudrait enlever un mois de vacances pour les lycéens, les collégiens, donc pour les écoles. Les élèves auraient à prendre soit juillet, soit août. Je pense que ça va être un sacré chaos, parce que si tout le monde prend les vacances en même temps, et puis même un mois de vacances pour les enfants, ça s'est jamais vu. Donc là, je crois qu'il y a, matière à discussion, et apparemment, les collèges et les lycées vont se rassembler pour faire une grève complètement général, parce que c'est quelque chose à paralyser complètement un pays. C'est vraiment du n'importe quoi là. Nous sommes désolés d'interrompre la programmation normale pour ce bulletin spécial. Allons tout de suite rejoindre notre correspondant à quelque part sur la planète. Oui, bonjour, ici on est en état d'alerte. Je répète, nous sommes en état d'alerte. Le www.septicalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre. Nous avons absolument besoin de sympathisants comme nous. Nous avons absolument besoin de gens qui désirent s'impliquer afin de faire promouvoir la communauté et de faire l'évoluer. Je répète, tactical.fm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre et de gens qui désirent s'impliquer. N'oubliez pas que cette communauté de podcasteurs radiophoniques est une simulation. Le www.tactical.fm.com a besoin de vous. De retour au studio. Merci. De retour à la programmation normale. Vous êtes à l'écoute de OpenScape. Pour nous contacter, n'hésitez pas à aller sur Skype et vous recherchez le pseudo radio.actif avec un K. Radio.actif avec un K. Vous pourrez ainsi intervenir dans l'émission. Nous attendons vos appels. Pour nos amis qui sont sur Subcast, essayez de nous rejoindre directement sur la radio. Vous pouvez le faire en allant sur http://radio-actif.cx. Vous avez un player, ou alors vous pouvez directement mettre les liens dans votre player préféré, dans Winamp, Windows Media Player, VLC, etc., etc. Donc n'hésitez pas à le faire. Déjà la qualité sera meilleure que par Subcast. Et puis ça permet aussi de pas surcharger les serveurs et de garder une bande passante nickel. Merci beaucoup, merci d'avance. Et pour nous joindre donc en direct sur la radio, vous vous connectez sur Skype et vous recherchez radio.actif. N'oubliez pas que nous avons aussi que nous sommes aussi sur Twitter, sur radioactif tout attaché avec un K 60. Nous sommes le 9 mai 2010, il est actuellement 17h. Vous êtes membre d'un syndicat? Êtes-vous sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales? Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, actif.fr.

apparemment vous avez toujours le même souci de micro, donc voilà, on vous rappelle un petit peu plus tard quand ça sera réglé. Non, apparemment, c'est toujours pas bon. Moi. Et maintenant, après le vieux continent, nos aventuriers atteignent le Québec. Bon, t'es sûr qu'on a pris le bon chemin? Mais oui, regarde sur la carte. C'est normal que le nord soit à l'est. Allez, encore n'importe quoi. Un détour de 13 000 km sur la route de la forêt de Schlippach. Il fait froid et c'est tout blanc. Ah, de quoi tu te plains? Toi au moins tu t'enfonces pas dans la neige. Si tu lâchais cette enclume, ça serait peut-être plus facile. Jamais. Elle appartenait à mon cousin Galbin. À la rencontre d'arrivée du disque Machin de Taverne, prévu en octobre. Ouais, bah on aurait pu faire ça en été, hein. Vous êtes à l'écoute de Open Skype, il est 17h52 sur Radioactif. Nous attendons toujours vos appels sur Skype. Donc sur Skype, vous recherchez le pseudo radio.actif. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le forêt du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Capticolfm.com. Ose dénoncer. Capticolfm.com. Ose dénoncer la désinformation. Thank you. pour nos amis de Subcast que nous saluons, si vous voulez, vous pouvez vous connecter directement sur la radio en allant sur radio-actif avec un k.z2.cx, où vous pourrez mettre votre radio favorite directement sur VLC, Winamp, Windows Media Player, etc., etc. Et vous pouvez nous joindre aussi sur Skype en recherchant le pseudo radio.actif avec un K toujours, A-K-T-I-F, radio.actif. Merci, l'antenne est à vous. Profitez-en, c'est vraiment une opportunité, c'est gratuit. Donc, et vous êtes toujours en direct live sur Radioactif, il est 17h50. Le micro marche de nouveau. Où la situation est complètement différente d'après les camarades sur place avec ce qu'on entend aux médias. Je vais faire une petite synthèse de ce qui nous a été transmis. Donc là, déjà, première chose, donc les chiffres qu'on entend sur la France 2, donc des problèmes grecs, 30 000 manifestants selon la police et 50 000 selon les organisateurs. En réalité, les chiffres qu'on obtient de nos camarades grecs est de 100 000 selon la police et le double sinon. Donc c'est quand même assez étonnant que donc France 2 ne redistribue pas les mêmes chiffres que donc en Grèce, où la police grecque mentionne bien que donc les chiffres de manifestants est de 100 000 et selon les organisations syndicales et politiques sur place, c'est vraiment le double. Deuxième élément qui est assez étonnant, c'est que donc les manifestations ont été ultra violentes, et ce qui n'est pas donc relaté de la même façon donc au niveau européen ou aussi mondial. Les flics, comme on les appelle aussi là-bas, ils ont attaqué dès le début sans grand motif, du coup ça a dégénéré. Puis les flics, ils ont découpé les cortèges et on a contraint les bouts de manif de se séparer de parfois de plusieurs kilomètres. Personnellement, dans celle où je me suis retrouvé, selon notre camarade, les gens ont beaucoup cassé sur le passage. Une annexe de la mairie d'Athènes et un ministère de l'économie ont été brûlés, ainsi que les camions de flics et de pompiers et toutes les voitures de luxe trouvées sur le passage. D'un autre côté, les manifestants ont brûlé des banques, et dont une dans laquelle il y a eu 3 morts. Apparemment, ils se disent maintenant la situation grecque est beaucoup plus tendue que donc elle apparaît, et donc on confirme actuellement que donc les différents syndicats sont donc de pied de guerre, aussi bien que donc des organisations d'extrême gauche d'origine trotskiste. Mais ce qui est un peu normal, et ils ont tout à fait raison de réagir de cette façon-là au niveau grec, sachant donc les problématiques pour le quotidien qui est donc entamé. Donc on voit très bien, et c'est là aussi que donc Actif jouera son rôle de désinformateur donc des canaux officiels politiques et économiques européens classiques ou français à la rigueur. On voit bien que donc la situation est complètement différente. À vous l'antenne. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Ose dénoncer. CapitalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. sur Skype en recherchant radio.actif. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Ose dénoncer. Capricorne.com. Ose dénoncer la désinformation. Pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Allô? Allô? Je voudrais parler au caporal Jack, s'il vous plaît. Allô? Caporal, êtes-vous là? Caporal, au rapport, s'il vous plaît. Allô? Caporal, êtes-vous là, s'il vous plaît? Radioactif, est-ce que vous nous entendez au studio? Ouais, ouais, ouais, je t'entends très bien. Donc, et là, salut Jean, ça va? Oui, salut Glouville. Ouais, je voulais qu'on discute un peu de la Grèce. Tout à fait. Tu vois de ce qui se passe en ce moment? Ouais, vas-y. Justement, donc j'avais fait donc une petite intervention tout à l'heure, donc d'un camarade qui nous est proche de la situation réelle sur place. Elle est beaucoup plus inquiétante que donc on nous le dit, comme j'ai pu le faire passer tout à l'heure. Donc les chiffres annoncés des grévistes manifestants est beaucoup plus important. Donc on parle donc ici sur France 2, comme j'ai dit tout à l'heure, de 30 000 à 50 000 selon les organisateurs ici donc sur France 2, tandis que la réalité est beaucoup plus importante, et donc il y en a 100 000 selon la police, et le double sinon sur place avec nos propres camarades avec lesquels je suis aussi en contact. Donc ultra-violence de la part des forces de l'ordre, donc ça c'est déjà aussi confirmé, et aussi donc un noyautage donc par différentes organisations très très radicales sur place. On me confirme que le syndicat ADEDI et GSEE appellent à des nouvelles manifestations. On verra bien ce que ça va donner. Les bureaucraties, on confirme également que les bureaucraties sur place sont un peu débordées. Donc on nous parle également, et c'est ça qui est donc très très intéressant à voir et je dirais inquiétant pour le pouvoir, c'est que donc des petits secteurs sont contrôlés par des organisations révolutionnaires. Là on me précise les travailleurs du métro, les cuisiniers, les journalistes et les ingénieurs. Donc il faut pas minimaliser ce mouvement qui veut tout dire. Voilà Glouville, pour te donner donc une approche qui est toute récente, que je viens d'avoir donc par internet, par mail, d'un de nos camarades sur place. Et on sent vraiment que c'est chaud, que c'est bouillant et que ça va déraper. Mais Jeans, tu penses que ça va arriver chez nous, que c'est aux portes de la France, tout ça, ce qui se passe, cette crise économique? Tout à fait, elle est déjà là présente. Donc, si on fait une analyse beaucoup plus factuelle des choses, donc déjà parlons un petit peu de ce qui s'est produit en Grèce. Déjà, donc au niveau de l'économie nationale, depuis des années, donc l'économie commençait à avoir des soucis. L'État injectait au maximum des capitaux à fond perdu entre guillemets, et c'était surtout donc les grands actionnaires qui profitaient des aides de l'Europe, aussi bien de l'argent public grec. Donc sachant que donc ça creusait carrément donc le budget grec en arrivant à la situation d'aujourd'hui. Bien, ce qui se passe, c'est que donc effectivement donc on connaît l'appartenance de la Grèce à l'Europe. Ça veut dire que donc l'euro est en danger. Les spéculateurs s'y mettent dessus. Alors maintenant, c'est clair. L'euro est en danger. Ouais. Ça on le sait. Donc quand on voit aussi aujourd'hui ce qui s'est produit avec Sarkozy, Angela Merkel, qui ont dû se voir. Sarkozy aujourd'hui n'est pas allé là où il fallait, ou hier il n'est pas allé donc à une certaine réunion. Préférait voir donc directement la situation avec ses économistes politiques et voir donc la situation qu'il faut mettre en place pour l'ouverture de la bourse demain matin, parce que si ça se produit, on aura une flopée de traders qui vont miser en fait sur la baisse, et on va peut-être expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne, mais sur la baisse de l'euro à partir de demain. Plus globalement parlant, qu'est-ce qui se passe si on fait une analyse très factuelle des choses? Voilà ce qui se passe, c'est que donc on perd déjà en tant que identité nationale, donc en tant qu'individu, on perd tout à fait le contrôle de notre monnaie vis-à-vis donc de l'État. L'État perd le contrôle également de sa propre monnaie, et on voit que donc en définitive le patronat, aussi bien que les grands groupes financiers qui sont derrière, et donc là on pense aux groupes financiers comme les fonds de pension américains ou donc des gros traders, banques trading comme par exemple Goldman Sachs. Pensons à ce qui s'est passé il y a quelques temps de ça, de Lehman Brothers aux États-Unis qui était en faillite. Goldman Sachs a quand même pu se rattraper de suite, et d'ailleurs en l'occurrence avec la Grèce, avec des millions de dollars qu'ils ont pu récupérer en minimum de temps, tout en sachant qu'ils étaient subventionnés d'ailleurs par les États eux-mêmes. Donc c'est ça qui est malheureux. Et d'ailleurs, on parlait de l'euro, mais l'Europe aussi est en péril. Et là, c'est l'Europe, mais il y a des gens qui pensent que de toute façon, ça se répandra aux États-Unis, au Canada, au Brésil, qui risque d'y avoir une vraie crise économique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? C'est le but de l'opération, donc de tous ces fonds de pension, parce qu'ils cherchent en fait à capitaliser sur quelque chose qui est complètement virtuel. Ils ont perdu donc la réalité, et ils savent très bien qu'ils peuvent se faire donc de l'argent très vite. Reprenons donc ce que ont fait les banques, donc ils refont du profit après 6 mois, sachant que donc l'État, même ici en France, est intervenu pour les soutenir. Donc où est passé cet argent? Il est tout simplement et pour bien s'imaginer la gravité des choses dont on parle, c'est quand même que là on parle de banques, on parle d'argent, on parle de traders, on parle d'État qui aide des gros groupes qui spéculent sur l'argent, et tous ces millions de gens qui eux sont salariés, ils habitent des pays, ils ont des petits moyens, on les laisse de côté et on les met sur la touche pour une minorité qui profite, qui est en train de prendre le pouvoir. Je pense que aujourd'hui il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir, écraser les républiques et retourner sous des tyrannies. Si on fait donc l'analyse économique et politique, hein, donc c'est ce que donc disait la gauche, donc à un certain moment, donc je parle de gauche communiste, donc trotskiste, pas donc la gauche caviar comme les différents PS. Tout à fait. Derniers braves, hein. Les derniers braves, c'est encore les trotskistes. C'est-à-dire que donc il faut toujours rester critique. Si on veut être dans cette branche, il faut rester critique, il faut faire l'analyse avec les moyens qui sont mis à notre disposition, et ce qu'on a fait donc en tant que démarche d'analyse de la situation grecque est simplement et purement donc une analyse politique économique de la situation, donc avec naturellement des outils qui ont été mis à disposition depuis des lustres, mais que donc on perd de plus en plus. C'est-à-dire que donc on veut absolument pas faire donc d'analyse dans ce sens-là, parce que donc on va de nouveau valoriser donc une des données que le patronat essaye toujours actuellement d'éliminer dans l'idée des personnes. C'est-à-dire c'est donc la lutte des classes, parce que donc là on est en train de nouveau de parler de deux classes. La classe intermédiaire, donc pour nos auditeurs, c'est exactement ce qu'on avait discuté tout à l'heure. Donc la classe intermédiaire qui existait depuis, je dirais, donc les années 60, 70, 80. Oui, c'est ça. On peut parler des 30 glorieuses. On a vu ces gens-là. Oui. Ouais, donc on a commencé à avoir des salariés qu'on leur a promis monts et merveilles. Donc ils sont passés à des postes intermédiaire, je dirais, entre patronat et le simple ouvrier entre guillemets qui travaille à la chaîne. Ces personnes se voyaient miroiter par le biais du patronat des fonctions autres qui végètent dans le système économique. Je voulais poser une question, parce que l'État va proposer 16,5 millions de francs. Bon, cet argent, elle ne l'a pas. D'accord. Elle va donc emprunter à 3,5 pour prêter à la Grèce à 5%. Ok, jusque là ça va. Et se faire un bénéfice de 160 millions d'euros sous la condition que la Grèce paye. Mais comme c'est parti, il est peu probable que la Grèce paye, et qui va payer au bout du compte. Je pense que c'est encore le petit salarié, etc., par des augmentations d'impôts, par des augmentations des taxes à tout va. Je ne sais pas si c'est une bonne solution de prêter cet argent comme ça. Mais donc là, on revient. Donc je vais dans le même sens que ce que tu viens de dire. Donc il faut prendre comme exemple, pour pouvoir faire un comparatif avec ce qui se passe avec ces États, avec la problématique de la sécurité sociale, ce qu'on a déjà eu depuis des années. Ça confirme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire donc on n'a pas d'argent, on va financer la sécurité sociale, qui va devoir payer encore avec des taxes supplémentaires, avec une augmentation de 1 euro sur les consultations et tout ça, c'est donc le salarié de base qui, lui, encore une fois, est taxé au moment où ça va mal et qui ne profite pas de la relance qu'on a eue pendant des années, où donc les banques et le patronat ont pu modifier leurs revenus de l'ordre de 30 à 40%. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc quand on regarde l'évolution des salaires vis-à-vis de la productivité, les salaires donc du patronat où donc des grosses sociétés commençaient à avancer vis-à-vis de l'avancement du salaire du salarié, il y a une grosse disparité. Et ça, c'est problématique. C'est l'explication même du retour donc des classes, donc où on va vraiment voir donc le salarié de base avec son SMIC plus 100 € à peu près, et il doit être content. Et il va pas participer à l'essor économique quand tout va bien. Et donc là, on va le pénaliser. Pensons à ce qui se passe avec les retraites. C'est la discussion fondamentale. Là, on est en train encore de nous enfoncer plus avec les fonds qui vont devoir être destinés à des pays comme la Grèce, et on parle déjà de l'Espagne et Portugal. La France sera aussi impliquée parce que donc nous, on est des grands détenteurs d'obligations d'État. Quand on regarde les avoirs de la BNP, Société Générale, c'est de ça dont on parle. C'est vrai que la France, elle fait beaucoup dans l'humanitaire, envoyer des aides, etc. Mais ce que je comprends pas, c'est que en France, il y a des gens qui sont de plus en plus pauvres, de très pauvres. Je sais pas combien de SDF, il y a je sais pas combien de personnes qui sont complètement surendettées par des systèmes machiavéliques que sont les banques et les organismes de crédit, et que la France ne fait rien pour aider justement ces surendettements, et elle va aider par contre tous les autres pays dans l'humanitaire. Ça rapporte quoi? Ça rapporte à qui? C'est vraiment quelque chose qui est complètement incompréhensible et complètement incompatible avec la démocratie française. Bon, tout à fait. Donc là, regardons ce qui se passe actuellement, donc comme aide humanitaire ou soi-disant aide humanitaire qui part en Afrique. C'est pas anodin, mais donc on sera toujours fort pour relayer par exemple donc l'aide qui a été donnée à Haïti à partir des États-Unis. Si on recoupe maintenant ces deux mouvements, comme tu viens de dire, c'est-à-dire cette soi-disant aide humanitaire qui n'en est pas, c'est simplement donc une aide sur laquelle on voit très bien donc encore l'impérialisme qui est là. Si on utilise ce terme, on va tout de suite encore penser à ce qu'on disait tout à l'heure. On est des gauchistes, on est des extrémistes dans l'analyse. Non, regardez ce qui se passe exactement. Oublions ces termes. Mais quand on fait ces investissements, c'est pas anodin. C'est donc directement avec arrière-pensée. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Pensons aux ventes d'armes que donc on a eu en Afrique, les dossiers Pasqua et autres. Donc qu'est-ce que c'est en définitive? C'est simplement s'enrichir sur le dos des États et de son propre État, avec des commissions occultes qui donc par après apparaissent comme par hasard, parce que donc le camp en question est simplement en conflit direct avec le camp qui est actuellement à l'Élysée, tout simplement. Il faut dire les choses comme elles sont. Tout le monde le sait, mais tout le monde se tait. C'est clair, mais justement, si justement il y avait cette résorption, enfin résorber complètement l'endettement en France, je pense que tous les salariés pourraient repartir sur des bonnes bases, une bonne fois pour toutes. Après, c'est à eux de complètement gérer pour ne plus retomber dans la spirale où ils sont retombés. Mais déjà, si tout ça a été résorbé d'une manière efficace et définitive, je pense que déjà la France se porterait mieux. Il y aurait peut-être plus de pouvoir d'achat, effectivement, parce que ces personnes endettées qui ne peuvent pas justement se faire un petit plaisir de temps en temps, ça compte aussi dans la balance. Donc l'un dans l'autre, avant de d'aider les autres à l'extérieur, on devrait aider déjà ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ça fait vraiment tâche. Quand on parle de la France, la France c'est quoi? C'est des SDF, c'est des personnes surendettées et qui veulent faire les cacos pour aller aider à l'étranger. Voilà. Donc, c'est détourner l'argent qui est disponible donc au niveau État français. C'est donc au lieu de l'utiliser à des fins de distribution pour tout le monde, c'est l'utiliser encore à des fins personnelles pour quelques groupes, pour quelques personnes à l'étranger. Et donc il faut revenir sur une internalisation de la conscience des masses, donc parce que donc les, rappelons-nous de ce qu'on avait dit donc déjà la semaine dernière, les problèmes et les soucis par exemple au Maroc dont on avait parlé sont les mêmes que les nôtres. On découvre qu'on a donc les mêmes choses qui à la base de notre vie au quotidien. Pour savoir donc même un salaire comme on avait dit donc la semaine dernière au Maroc de 400-500 euros, rapportons-le en dinars, à 1000-1100 dinars par mois. Donc il faut savoir, et je l'ai découvert aussi en côtoyant mes camarades marocains, si on regarde bien le prix de la viande, le prix du lait, du sucre, le pain et ainsi de suite, sont les mêmes. Donc on revient à quelque chose qui est beaucoup plus global. Donc c'est là aussi où les revendications de base de syndicats qui devaient être radicaux déjà au départ ont oublié donc dans leur message global pour français pardon donc l'augmentation des salaires de l'ordre de 300 euros net. Ça c'est déjà quelque chose qui est primordial pour revenir à un salaire de base net de 1500 euros. Pourquoi 1500 euros? Bah, c'est le seuil vital, tout simplement. Parce que si on vit, par exemple, même à Paris ou en province, c'est de ça dont on a besoin pour pouvoir louer donc un appartement, vivre à deux entre guillemets, être indépendant, avoir peut-être une petite voiture ou assurer tout simplement les transports en commun, parce que donc la carte c'est le minimum, c'est le minimum, c'est le minimum, et c'est tout juste le minimum, hein. Tout à fait. Aujourd'hui c'est voilà, moi je connais la majorité des gens que je connais, ils ont même pas 1500 euros net, hein, voilà, et ils s'en sortent pas, et même les gens qui ont un peu plus de 1005, pareil, c'est exactement ça, grand chose, hein. Exactement. Ton plaisir maintenant, c'est quoi? C'est t'as ton ordi, t'as ta petite bagnole. Exactement. Tu vas en vacances tous les 3-4 ans dans une station balnéaire en voilà. France, entassé comme des lapins, comme tu vois, t'as jamais vu la mer. Exactement. Tu vois, les stations balnéaires, c'est que ça. Et aujourd'hui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, on arrive à des salaires qui sont inférieurs. Donc, en moyenne, on peut dire que donc, si on, je parle pas des salaires de cadres, mais donc la moyenne de salaire, ça voisine plutôt aux alentours de 1200 euros. Donc on est en dessous des 300 euros, de 300 euros vis-à-vis des 1500 euros, qui est un minimum vital. Et c'est pire encore avec la grande majorité des salariés ouvriers qui sont en intérim. Ils arrivent entre 800 et 1200 euros. Pensons toutes les caissières, s'il y a des caissières qui nous entendent, donc elles pourront le confirmer. Il y a c'est de l'esclavage de toute exactement. Façon. Être caissière aujourd'hui, c'est de l'esclavage. T'es pas bien payé, t'es pas bien considéré, rien du tout. Non, et en plus de ça, donc pensons aux horaires qui sont complètement décalés, des horaires avec des pauses de 3-4 heures. Donc ces personnes sont obligées de rester sur place, ils ont des enfants, ils rentrent tard, donc ça veut dire frais supplémentaires s'ils ont des enfants en bas âge. C'est pareil pour les centres d'appel, c'est un milieu qu'on connaît très bien avec nos camarades. On voit que donc c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on parle plutôt donc on fait miroiter des salaires de 2005 quand on voit les annonces, mais en réalité, c'est le maximum. Maximum avec quoi on tiendra peut-être un mois, deux mois, et puis pas après quand il y a suffisamment de personnes dans une hotline, ils vont diminuer donc la possibilité des quotas, des primes, donc pour arriver à quoi? Dans le pire des cas, ils vont payer donc simplement la base salariale et on arrive à quoi? 1250, 1300 net. Voilà. Donc c'est ça l'analyse. Donc on a effectivement une paupérisation et c'est le terme qu'utilise donc encore une fois donc une certaine branche politique. Mais si on en fait l'analyse, c'est ça. C'est la paupérisation d'une classe qui est donc une majorité. Et on a encore tout simplement quelques personnes ou quelques groupes qui sont les grands gagnants au niveau des revenus et salaires. D'accord. 40, alors, si j'ai bien compris, pour revenir sur les aides humanitaires, si j'ai bien compris, l'État a de l'argent, elle préfère aider l'humanitaire à l'étranger que dans son pays. D'accord. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut tous se révolter et puis inciter à voir les comptes comme il faut, que la Cour des comptes fasse mettre au... à la vue de tout le monde, les comptes de l'Élysée, les comptes justement de ces aides humanitaires, et pourquoi ça n'a pas été utilisé pour de l'humanitaire en France, et sanctionner l'État à ce niveau-là. Tous les auditeurs qui sont là présents, ils nous aident à en parler, à en discuter. Je pense que il y a suffisamment d'associations et de personnes qui seraient heureuses de nous en parler. Pensons au Don Quichotte, hein, qui avec Mathieu, je pense qu'il s'appelle. Donc il pourra en parler plus amplement. Donc d'autres personnes qui sont dans le social humanitaire ici en France. Pensons un petit peu aux catastrophes qu'on a eues avec Cynthia, dans le nord de la France avec l'ouragan, quand on avait besoin. L'armée, là, elle n'est pas présente. Il ne faut pas aller en Afghanistan au départ déjà pour intervenir sur des fronts où on va se faire canarder. Est-ce qu'on ne paye pas C'est juste pour protéger les grosses entreprises. C'est pour, parce que là-bas, il y a des choses à récupérer. C'est pour ça qu'ils s'occupent de l'Afghanistan. C'est pour ses mines, ses ressources naturelles, pas pour aider les gens déjà. Tout à fait. Ça sert à rien du tout. Hein. Et le transit. Avant de nous demander de nous serrer la ceinture, si on réglait déjà les problèmes en France directement, rien que pour commencer, une fois que c'est fait, parce que ça sera le plus rapide, ça va peut-être durer 1 an ou 2 ans pour mettre tout de l'ordre en France, et après qu'on s'occupe de l'extérieur, ok, mais là qu'on laisse la France dans un péril pareil, dans un bordel innommable comme ça, et puis de s'occuper par contre des autres trucs, des gros bonnets, etc., je suis désolé, mais on est tous dans le même bateau, on est tous pour sur Terre pour vivre pendant 70, 80 ans, c'est pour essayer de vivre au mieux et le plus à l'aise dans son pays. Si c'est pour faire des trucs dans les autres pays, aller envoyer des gens se faire canarder justement, se faire tuer et tout, j'appelle pas ça une république, une démocratie, j'appelle ça plutôt un totalitarisme, voire même c'est un petit peu suivre les traces d'Hitler. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est le Moyen-Âge, hein. C'est le Moyen-Âge, hein. Les seigneurs, maintenant, ils déclarent les guerres. C'est comme ça, maintenant. Mais donc d'une autre manière, une manière déguisée. C'est une guerre économique qui se livre. Parce que n'oublions pas le but, quand on regarde bien, qu'est-ce qui se passe? Le dollar, il monte. L'économie américaine aura les possibilités et les moyens d'acheter encore à moindre coût au niveau international les ressources, le pétrole, tandis que donc nous on devra encore subir des cours qui sont à la hausse au niveau international. Voilà. Donc non, l'Europe va être mise à genoux. Alors l'euro, quand on a commencé, il était à combien par rapport au dollar? Il était à 1 dollar. Non, 1 dollar, il était aux alentours d'un dollar en 2000. Voilà, on s'en sortait très bien, il n'y avait aucun souci. Pourquoi, à l'heure actuelle, on dit il va passer en dessous de la barre des 1,20€, ça va poser problème. Le même problème, le problème, il est exactement le même qu'en 2000. Il n'y a pas d'autre truc, puisque justement, ce qui faisait peur, c'est que l'euro monte trop haut. Qu'ils deviennent la monnaie internationale qui va gouverner au niveau mondial. Tandis que donc les Américains veulent toujours garder leur monopole. C'est la seule chose qu'ils convoitent, c'est garder le monopole donc au niveau économique international. Et justement, pour l'uniformisation des monnaies, si toutes les monnaies étaient à la même valeur, il n'y aurait pas de problème. Parce que les exportations se font de tous les côtés. Il y a deux axes d'analyse qui vont un peu plus loin encore, Jean-Yves. Tu parlais tout à l'heure, donc avant d'aider donc ces pays tiers du tiers monde entre guillemets qui aujourd'hui sont en plein essor, plein développement. Si tout le monde, tous ces pays-là feraient la même chose avec un salaire, et ça c'est la deuxième axe, que tout le monde aurait donc un salaire qui serait égal déjà en Europe. Donc on n'aurait absolument pas ce problème. Donc on serait dans une économie complètement égalitaire et où il n'y aurait pas de soucis d'importation, de délocalisation et ainsi de suite. Ce serait donc le pouvoir de nouveau redistribué localement et donc avec une implication des salariés beaucoup plus grande. Donc c'est là seulement que donc on peut faire donc avancer les choses. Je ne sais pas si tu me suis dans l'idéologie de ce que je viens de dire. Je suis d'accord avec ce que tu dis, en tout cas, Mais le mieux n'aurait été pas enfin, ça aurait pas été de garder les doubles monnaies de chaque pays, parce que apparemment l'euro n'a pas été, enfin depuis 2000, qu'est-ce qu'on a vu, je prends un exemple, l'exemple du McDonald's qui valait 6 francs, enfin à peu près une, même pas 30 francs français, maintenant il est passé à plus de 7 euros, plus de 7 euros, ça a doublé en l'espace de 9 ans, les prix ont doublé, mais tout ça parce que, pour dire, ces augmentations-là, enfin l'euro a fait que les augmentations sont passées beaucoup plus inaperçues, et tout ça, mais ça a énormément augmenté, les prix ont quasiment doublé depuis qu'il y a l'euro, alors qu'avant, quand il y avait le franc français, ben on faisait plus attention, puisqu'on s'est on savait vraiment la valeur. Il y a encore des gens qui ne sont pas encore habitués à l'euro, qui sont habitués en franc français, qui vont encore essayer de convertir tout ça. Exactement. Essayons d'aller plus loin dans la démarche d'analyse de ce qu'on fait actuellement. Ce que tu disais donc avec ce fameux McDonald's, donc un McDo qu'on achète aujourd'hui, donc il est à 7 et quelque chose. Donc prenons un exemple type, un hamburger McDonald's. Ok. Si donc les salaires sont partout pareils, imaginons. Les matières premières, qu'elles soient quasiment partout pareilles. Parce que donc on a la même valeur proportionnelle de travail nécessaire pour produire donc cette entité, cette unité. D'accord ? Donc ça voudrait dire que dans tous les pays, on peut faire un comparatif avec l'Italie et la France. Par exemple, le hamburger serait la même chose. Donc, ils peuvent plus jouer sur des différentiels de prix où ils vont vendre plus cher un produit qui a la même valeur de matière première et de travail qui est dedans. Le différentiel de prix, c'est quoi? C'est le profit, tout simplement. C'est la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée n'est simplement, si on fait l'analyse, et je reviens sur quelque chose qui peut-être va faire sourire pas mal de nos auditeurs ou intervenants. Si on fait l'analyse marxiste, cette valeur ajoutée, c'est quoi? C'est ce qu'on nous a volé. Bon, il y a une partie naturellement qui doit être utilisée pour réinvestir dans les machines et ainsi de suite. Mais ça ne justifie pas les profits qu'ils ont actuellement. C'est donc tout simplement le profit, la plus-value sur un produit n'est simplement que donc un moyen détourné du vol de ces groupes ou du patronat sur nos propres biens. Et c'est là donc l'analyse qui doit être faite. Donc au niveau international, vas-y. Non, mais il y a un truc qui m'intrigue quand même, c'est que, bon, l'Europe compte 25 pays, d'accord? Les États-Unis, 51 États. En superficie, c'est à peu près égal. Aux États-Unis, ils ont une monnaie unique qui a une valeur équivalente dans tous les États. D'accord? Qu'on aille acheter son McDonald's au Kansas ou en Floride, on va payer exactement le même prix, ça a exactement la même valeur. Ils parlent tous la même langue. D'accord? Oui. L'Europe, elle n'est pas capable de s'entendre parce qu'elle parle. Il y a 36 dialectes différents. Le cours de l'euro n'est pas équivalent d'un pays à l'autre. Déjà, c'est complètement instable l'euro. Enfin, l'Europe en lui-même est complètement instable. Et à cause de quoi? Regardons ce qui se passe avec des biens qui ont été délocalisés. On sait de quoi on parle. Par exemple, pourquoi donc des documents sont scannés en Tchécoslovaquie et pas après redistribués donc au Maroc pour traitement? Parce que donc les salaires sont tellement bas que donc ils peuvent le faire en Tchécoslovaquie, mais si les salaires étaient égaux entre donc la Tchécoslovaquie et la France, ils auraient même plus envie de faire une délocalisation ou une sous-traitance vers ces pays. Et c'est là où tu as raison. Aux États-Unis, le salaire entre guillemets est égal entre New York à quelque chose près, donc avec d'autres régions comme par exemple Los Angeles ou autres, Et donc on n'a pas de différentiel, donc pas de délocalisation. On peut investir donc dans n'importe quel état aux mêmes conditions. La matière première coûte grosso modo la même chose, les salaires également. Par contre, ce qu'ils essaieront toujours de faire, c'est de casser les barèmes salariales, les barèmes salariaux plutôt, pour avoir des prix encore différentiels. Mais Jeans, dis-moi, tu crois que, enfin, l'autre coup sur Tactical FM, il y avait un auditeur qui nous écoutait là dans le show du Caporal John. Ouais. Ça, il s'appelle Tess Doumi, hein, je le salue d'ailleurs. C'est un Canadien. Et il disait, de toute façon, pour lui, ce qui arrive chez nous actuellement avec l'Europe, eh ben c'est chez eux, ça va se passer exactement pareil. Tu penses que c'est vrai, enfin que ça peut se passer pareil? Je pense que oui, parce que donc il y a une dématérialisation complète de l'économie. Qu'est-ce que j'entends par dématérialisation? Tout se passe dans le monde de la finance. C'est un monde artificiel qui joue sur quelques heures, sur une augmentation ou une baisse de certaines valeurs. Sur quoi elle est basée? Simplement sur des rumeurs. Regardons ce qui s'est passé donc avec la semaine dernière, avec la rumeur qui avait été lancée avec l'Espagne. En un jour, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont gagné des millions sur la baisse des valeurs de l'Espagne, malgré que donc l'Espagne n'a rien encore d'inquiétant, entre guillemets, ce qui est faux. Mais donc, il faut savoir que donc le Canada, les États-Unis ont aussi des valeurs sur l'Europe. Donc, les banques détiennent des valeurs européennes et encore donc les valeurs qui sont toujours jugées les plus stables, c'est-à-dire la dette de l'État. Donc, ce qui était stable il y a quelques années, et pensons aux années 60 avec De Gaulle, où donc la monnaie était basée sur quoi? Sur la quantité d'or qu'on avait dans les banques. Aujourd'hui, c'est plutôt donc les obligations d'État, parce qu'il n'y a plus rien d'autre donc à justifier la valeur d'une monnaie. En grande partie, c'est maintenant les obligations qu'on a sur les États, c'est aussi bien les actions qu'on a dans les sociétés, et tout ça est en train d'exploser. C'est la voie finale du capitalisme. C'est la marchandisation complète de la finance. Et c'est l'ultime stade où c'est complètement dématérialisé de ce qui se passe au quotidien. Donc on parle même plus de la valeur d'une voiture ou autre. Non, c'est la valeur d'une tendance sur une monnaie basé sur des jugements de certains traders, de jugements de certaines banques et boîtes comme Goldman Sachs, hein, qui est une banque aujourd'hui, mais qui au départ était simplement un trader. Les assurances, pareil. Donc pour pouvoir gagner encore de l'argent, parce qu'ils sont arrivés au stade ultime du profit, bah, donc ils sont en train d'élargir leurs services, hein, et ils pensent à quoi? Aux banques, à faire de la banque. Pensons à AXA. Elle est devenue une banque aujourd'hui, c'est pas uniquement de l'assurance. Et tous les assureurs font de même. Et c'est ce qui s'est produit au niveau international avec la crise il y a 2 ans quand elle s'est mise en place. C'est tout d'abord ces instituts-là qui ont eu des gros, gros soucis. Mais tous ces traders-là dont on parle, avant, oui, ils existaient probablement. Pourquoi est-ce qu'on en parle tant que ça maintenant? Pourquoi le rôle des traders est devenu si important? Parce que donc déjà, je suis pas bien renseigné sur le sujet. Donc le trader a toujours existé. Donc depuis, je dirais, si on prend donc la bourse comment elle a fonctionné, elle existe déjà depuis entre guillemets le Moyen Âge. C'est donc avec la Hollande et puis l'Italie que donc les banques se sont mises en place, les bourses comme on les appelle. Ça a toujours existé. Un trader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui monnaie. Donc une marchandise entre un acheteur et un vendeur. Point. Et le trader a toujours intervenu sur les marchés. Maintenant, son rôle est devenu plus important. Pourquoi? Parce que donc on a pu voir que sur les dernières années, la plus-value que donc un trader pouvait faire au sein de la bourse, avec des simples spéculations donc sur une journée, il pouvait faire gagner des millions à une banque. Et donc là, on arrive à la finalisation de l'État capitaliste hein, qui gagne uniquement sur cette partie-là. Donc le potentiel de gain est plus important avec le trader, aujourd'hui, le trading, comme on dit, que simplement produire une voiture. C'est plus rentable. Mais à ce point-là, alors ça veut dire que c'est les banques qui vont nous diriger, quoi, qui vont nous dire quoi faire maintenant. Ça va plus loin, je dirais même. Et je pense que si on fait une analyse de ça, c'est effectivement, comme tu dis, Globil, hein, c'est les banques, mais c'est donc les certaines personnes qui nous gouvernent à 100%. Et l'État, la fonctionnalité de l'État va complètement disparaître. Donc ce sera l'État qui sera sous le joug carrément des banques et de certaines personnes. Prenons l'exemple français. Il faut savoir, c'est un article qui est paru il y a quelques mois de ça en France sur les dirigeants du CAC 40. Il faut savoir que le CAC 40 est dirigé par 90 personnes. Ces 90 personnes gèrent les sociétés du CAC 40, mais elles sont entrelacées dans les différentes sociétés. Et qu'est-ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. Les États n'ont même plus donc la possibilité de retorquer vis-à-vis d'une crise financière. Ils sentent très bien qu'ils perdent pied et qu'ils n'ont plus le contrôle de leur propre État ou donc de l'Europe. En l'occurrence, ils voient l'Europe. Pourquoi est-ce que donc les politiciens se sont mis autour de la table ce week-end? C'est pour contrecarrer ce qui va se passer demain. Et ils vont dire, nous, on est en mesure de stopper cette hémorragie. C'est faux. Parce que rien que le fait d'avoir eu cette réunion, demain les traders, tous ensemble, vont miser à la baisse, comme on dit, sur l'euro. Et donc ils vont gagner en même 6 heures des millions. Ils vont lâcher prise, peut-être donc demain soir vers 6 heures ou enfin 5 heures quand les banques, enfin le marché des boursiers va fermer ici en France. Mais donc il faut pas oublier que donc ils peuvent travailler 24 sur 24. Les fonds qu'ils vont pouvoir dégager à 5 heures ou aux 4 heures et demie, ils vont les balancer sur les États-Unis parce qu'ils savent très bien que donc l'ouverture donc de New York s'est faite aux alentours de 3 heures, 2 heures chez nous avec la bonne tendance. Ils vont miser là-dessus et ils vont refaire leur boulette de gains en quelques heures. Et puis par après, c'est pareil de New York, ils balancent par après sur Hong Kong et la Chine, donc en général. Et d'après toi, depuis quand les banques, le système monétaire, tout ça, les actions, les choses comme ça. Depuis quand tout ça, c'est ce qui domine en fait la planète, c'est ce qui fait la pluie et le beau temps dans, bah donc, dans les sociétés. Enfin, si t'arrives à comprendre, ouais. Que bon, c'est pas, je sais pas trop mon domaine. Grosso modo, il faut dire que donc depuis une trentaine d'années, ça s'est accéléré et on le voit très bien avec les groupes, je dirais donc d'étudiants qui se sont mis en place. Ou donc des écoles spécialisées pour justement le trading. Donc la France est un des majeurs apporteurs d'étudiants bien formés qui sont. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant que ce soit nous les Français. Oui, ben c'est donc une école à Paris qui est spécialisée en maths. D'ailleurs le trader qui de Goldman Sachs donc qui vient de France, c'est un Français. Hein. Ah ouais. Et puis donc la deuxième école qui est quand même très réputée, c'est à Londres. Et puis après, c'est les États-Unis. Et ils ont pas d'âme, ces gens-là. Ils se rendent pas compte du mal qu'ils font. Non, c'est même pas une question de. Il faut pas avoir un état d'âme pour eux. C'est ce qu'ils gagnent sur la journée qui est important. Parce que donc ils ont quand même aussi des salaires parfois donc de 100 000, 400 000 euros avec toutes primes confondues. Ah ouais. Ah c'est sûr, c'est des gens. Ils doivent très bien vivre. Regardons ce qui s'est dit donc sur Kerviel, hein, donc l'autre personne là, donc Toré ou autre qui je sais plus son nom exact, Toré je pense, de Goldman Sachs, hein, ils l'avouent eux-mêmes, hein, donc ils sont à des salaires facilement de 100 000 euros par mois, c'est donc des salaires tout normaux. Ah oui, mon Dieu. Alors qu'il y a des gens 100 euros de plus, même 50 euros, ce serait déjà bien. Ça leur changerait pas mal de choses. Hein. Tout à fait. Pensons à ce que j'avais dit déjà donc la semaine dernière concernant un centre d'appel bien particulier. Donc on est en train de pleurer pour avoir une participation dans le groupe de 100 euros. Le centre d'appel, donc la direction n'a pas voulu signer donc les accords du groupe. Donc le centre d'appel ne va pas suivre pour la partie de la participation de 100 euros, tandis que donc les restes du groupe, donc les autres filiales vont l'avoir. Donc on est en train de pleurer pour 100 euros, mais donc et là on parle de quand même 600, 800 personnes, grosso modo. Donc, laissons tomber. Ah oui, donc, c'est chiffre exact. Mais vis-à-vis de certaines personnes qui se goinfrent, qui sont très contents, bah, donc là, ça va faire un rapport de peut-être 1 sur 100, 2 sur 100. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Faudrait prendre en otage ? Faudrait que tous les ouvriers, tous les salariés prennent en otage leur patron ? Et puis, ça marcherait. Mais tout le monde le ferait d'un coup, ça marcherait, ça. Ouais, certes, mais il faut avoir donc une prise de conscience. C'est ce que j'ai essayé également de dire donc la semaine dernière dans nos interventions avec ce qu'on doit faire vis-à-vis des syndicats, donc le travail syndical dans la société. Donc il y a une prise de conscience à faire donc, dans toutes les sociétés, d'avoir donc une uniformisation des luttes de ce genre au niveau français. Et donc là, ça pourrait fonctionner, par exemple, uniquement pour la France. Là, ça pourrait devenir... Voilà, explosif. Donc... voilà, donc, c'est la fin de notre émission. La petite musique derrière vous le confirme. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre ce débat un petit peu la semaine prochaine, si vous êtes d'accord. Donc, sur OpenSkype, entre 17 et 19h. Heure de l'Europe et 11h à 13h heure du Canada. Voilà, un petit mot de la fin. Ok, merci pour l'invitation, hein, Radioactif, et puis à plus, Jeans, et puis voilà, la semaine prochaine, si tu veux. Oui, à puis Louis Coupil, n'hésite pas donc à poser tes questions. On essaye de tous côtés nous-mêmes à nous former. Donc peut-être que donc nos analyses ne sont pas 100% justes, mais donc il faut peaufiner, il faut mettre en question. Je voudrais, pour le mot de la fin, vraiment le mot de la fin, faire un petit coucou à notre caporal John, à toute l'équipe donc au Canada. Donc, je sais qu'ils sont très proches et qu'ils nous aident énormément. Grand merci. C'est clair, merci caporal. Voilà, et bien bonne soirée à tous, et puis donc à la semaine prochaine sur OpenSkype. Sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales. Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, actif. Avec un cas.fr.